Exercice 13, page 65. Ils ont tout ça. C'est merveilleux. Elle y a donc ajouté le goût pour le bleu, les rayures, le jaune et le blanc des œufs au plat, le rouge aux joues.